Un pape de la gouttière dans la ruelle au matelot. Vous n'entendrez pas la lumière, y'a un vilain caboulot. La figure dressée pâle, une servante aux yeux bleus, rêve aux plus belles escales et à des ciels merveilleux. Chaque sifflet de bateau lui dit ton attente tes veines, mais dans un coin phono chante sa vieille rengaine. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, vos désirs, vos rêves feront écho un soir. Avant que votre vie s'achève, le bonheur viendra vous voir. Il faut l'attendre sans trêve. Chassez les papillons noirs, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il entrera beau comme un ange, des cheveux comme le mien. Son regard était étrange, plus bleu que le bleu du ciel. Il appela la servante et lui dit je te cherchais. Elle répondit tremblante, il y a longtemps que j'attendais. Il la serrait dans ses bras, quand je serai capitaine. Mais le vieux dit que tout va, chante sa vieille rengaine. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Vos désirs, vos rêves feront éclore un soir. Avant que votre vie s'achève, le bonheur viendra vous voir. Il faut l'attendre sans trêve. Chassez les papillons noirs, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Un passe de la gouttière dans la ruelle au matelot. On n'entre pas la lumière, y a un vilain caboulot. Elle attend fière et hautaine, elle attend depuis 20 ans. Elle attend son capitaine et son regard est confiant. Chaque sifflet de bateau lui dit on attend tes veines, mais elle écoute le phono raclant sa vieille rengaine. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'est, il y a de l'est, il y a de l'est. Vos désirs, vos rêves seront exaucés un soir. Avant que votre vie s'achève, le bonheur viendra vous voir. Il faut l'attendre sans trêve. Chassez les papillons noirs, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'est, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'est, tant qu'il y a de la vie.